Chapitre 18. Les obsèques de Lionel eurent lieu 3 jours plus tard dans la vieille chapelle dont la crypte renfermait les tombes des Camparennes. Brigida Tchernine, Lady Bredwill, l'amie de Madame de Camparennes, qui villégiaturait à Cannes, y assistait. Au déjeuner qui suivit, Laetitia fit les honneurs à la place de la comtesse, retenue au lit. Sa parfaite aisance, son impassibilité ne se démentirent pas un instant pendant cette journée. Le soir, elle dîna avec M. de Camparennes et Gemma. En prenant congé d'eux, elle annonça « Je pars demain, je suis rappelée chez moi pour des affaires pressantes. » Le vieillard parut affligé. « Quoi, tu nous laisses, mon enfant ?»« J'y suis obligée, mon cousin, mais vous avez Salvatore et Mademoiselle Gemma. » Monsieur de Camparennes eut un coup d'œil affectueux vers Gemma. « Oui, et j'apprécie infiniment sa compagnie. Enfin, ma chère Laetitia, si tu as affaire là-bas, mais reviens-nous vite, n'est-ce pas ?» Laetitia répondit par un geste évasif. Gemma pensa « Elle s'en va à cause de Salvatore. Que s'est-il passé entre elle et lui ?» Car le jeune homme ne lui avait pas appris le résultat de son entretien avec sa cousine. De ce départ de Laetitia, elle éprouva un soulagement. Tout en appréciant sa valeur intellectuelle, elle ressentait toujours un malaise devant cette physionomie impénétrable, ce lourd regard sombre. L'atmosphère lui parut allégée quand la comtesse Camparine eut quitté Bruxelles. 8 jours plus tard, Madame de Camparennes, dont la maladie avait empiré depuis la mort de son petit-fils, rendait à son tour le dernier soupir. L'état de Mao restait sérieux sans qu'il y eût d'aggravation. Sur le conseil du médecin, accueilli avec enthousiasme par la malade, Salvatore loua une villa en Antibes et y alla installer les 2 sœurs et les petites filles. M. de Camparennes, désemparé par ses morts successives, se laissa persuader d'aller y passer les derniers mois d'hiver. Il emportait des documents afin de continuer avec Gemma ses travaux d'historien. « Et puisque je reste à Bruxelles, grand-père, je vous apporterai les ouvrages dont vous avez besoin, » disait Salvatore. Il descendait chaque semaine et passait une partie de la journée à la Villa Alba. Mao, maintenant, l'avait en grande sympathie. Il lui apportait des fleurs, des bonbons et la remontait aux heures de découragement. Elle parlait rarement de Lionel. Comme l'avait dit naguère Gemma Salvatore, elle oubliait vite même les jours pénibles qui avaient sitôt suivi son mariage. Mais sa santé restait précaire, les forces revenaient bien lentement. « Je crains qu'il y ait chez elle quelque chose d'irrémédiablement atteint, » dit un jour Gemma Salvatore. Le jeune homme arrivait de Bruxelles et l'avait rejointe sur la terrasse de la villa où elle était seule à 7 heures. Elle avait laissé tomber sur ses genoux la lingerie qu'elle cousait et levé sur son interlocuteur un regard soucieux. « Sait-on quel ravage a déjà pu faire ce poison ? Quelle chose épouvantable ! » !»« Épouvantable, oui, mais elle est jeune, elle a une bonne constitution. J'ai espoir qu'elle se remettra. » Il regardait Joyce et Aubert qui s'amusaient avec un petit chiot, cadeau du grand-père. L'aîné devait partir le lendemain pour l'Angleterre où la demandaient les parents de sa mère. Salvatore y dit pensivement « Juliette avait déjà dû ressentir les effets du poison avant la naissance d'Aubert. Peut-être faut-il attribuer à cela cette santé délicate de l'enfant. Je l'ai pensé aussi. » Ils se turent un moment. Salvatore regardait les fines mains de Gemma abandonnées sur l'ouvrage interrompu. Puis, répondant à une question de la jeune fille, il dit qu'il avait congédié une partie du personnel de Bruxelles, d'accord avec son grand-père, ne gardant que le vieux Sylvestre, le chauffeur Martin, la cuisinière et une femme de chambre. Quant à Zora, il avait pu la faire hospitaliser dans une maison religieuse. « Je me demande comment elle a pu apprendre ce qu'elle savait au sujet de la rose qui tue, comme elle disait. » Cette triste créature, dévorée de curiosité, avait un talent particulier pour se cacher. Je l'ai trouvé moi-même, un jour, dans mon atelier, derrière une tenture. Laetitia disait qu'elle fouillait dans son appartement, dans le laboratoire. Elle a pu ainsi surprendre Lionel quand... » Il n'acheva pas sa phrase. Tous deux eurent un frémissement d'horreur, comme chaque fois qu'involontairement ils évoquaient le souvenir du criminel penché vers la rose couleur d'or et de feu pour y répandre le parfum mortel. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Autour d'eux s'exhalait le parfum des orangers qui fleurissaient dans les jardins voisins. Les petites filles s'étaient éloignées avec leurs chiots. La chaude lumière de midi se répandait sur la terrasse, éclairait le visage pensif de Gemma, ses boucles blondes, son teint nacré. Salvatore la considérait avec une ardente flamme dans les yeux. Il dit enfin, presque à mi-voix, « Gemma, pensez-vous que je puisse vous demander de devenir ma femme, malgré les crimes de Lionel ?» Elle le regarda, une joie profonde, tout à coup, éclairait ses yeux. « Vous le pouvez, Salvatore. » « Et vous acceptez ?»« Oui, avec bonheur. Chez qui trouverais-je plus de loyauté, plus de noble énergie dans le devoir ?»« Oh non ! Quoique Lionel fût un de Camparène, vous n'êtes pas de la même race morale que lui. Je serai votre femme, je serai à vous dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. » Il prit sa main, la baisa longuement. « Je vous ai aimé très vite, Gemma. Je vous ai hautement estimé quand j'ai compris que vous étiez si opposée au mariage de votre sœur avec Lionel, quels que fussent les avantages pécuniaires. Vous êtes d'une autre trempe qu'elle et que beaucoup d'autres femmes. Votre âme était celle que je cherchais pour l'épouse qui partagerait ma vie. Je désespérais de la rencontrer et ma bonne Paola me disait « Vous êtes trop difficile, vous ne vous marierez jamais ». Quelle heureuse surprise pour elle quand je lui annoncerai ce soir nos fiançailles. On prétendait pourtant que c'était elle qui empêchait votre mariage, dit Gemma en souriant. Il répéta avec un peu d'ironie, « Je ne suis pas de ceux qui subissent une influence de ce genre. Mais Madame de Camparène n'aimait point Paola et d'autres aussi. » Une ombre passa dans son regard. Lionel, Laetitia. Eux aussi détestaient la servante fidèle, discrète, qui lui était si entièrement dévouée. Gemma reprit, après un court silence, « Je devrais sans doute, pendant assez longtemps, m'occuper de Mao dans son état. Nous nous en occuperons ensemble. Je louerai une villa au Cap Ferrat, j'en ai une en vue, grande et confortable, et Mao y aura son appartement. » Mon grand-père aussi, pour les périodes qu'il ne passera pas à Bruxelles. Il y aura de la place pour Robert et son institutrice. Nous y habiterons quand nous ne serons pas en Corse. Mais c'est là-bas, dans ma vieille maison de famille, que nous résiderons le plus souvent. Vous verrez quel pays admirable. C'est là que je vous emmènerai aussitôt notre mariage. C'est là, Gemma bien-aimée, il la regardait avec une ardente tendresse, et elle se souvint du jugement porté un jour par Laetitia sur son cousin. C'est un sensible, il craint les chocs, et pour se protéger, il se fait une armure de froideur. Oui, il était sensible et passionné. Il saurait aimer profondément, fidèlement. Une grande joie envahit le cœur de Gemma et fit évanouir l'ombre qui demeurait encore, après le drame secret dont Bruxelles venait d'être le témoin. Fin du roman « La rose qui tue » de Delis.